Ésaïe chapitre 43. Mais maintenant, ainsi a dit l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël, ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et quand tu passeras par les fleuves, ils ne te noieront point, quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras point brûlé, et la flamme ne t'embrasera point. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, j'ai donné l'Égypte pour ta rançon, Chu et Séba pour toi. Depuis que tu as été précieux devant mes yeux, tu as été rendu honorable, et je t'ai aimé, et je donnerai les hommes pour toi, et les peuples pour ta vie. Ne crains point, car je suis avec toi, je ferai venir ta postérité d'Orient, et je t'assemblerai d'Occident. Je dirai à l'Aquilon, donne, et au Midi, ne mets point d'empêchement, amène mes fils de loin, et mes filles du bout de la terre. Savoir, tous ceux qui sont appelés de mon nom, car je les ai créés pour ma gloire, je les ai formés, et les ai faits. Amenant dehors le peuple aveugle, qui a des yeux, et les sourds, qui ont des oreilles. Que toutes les nations soient ramassées ensemble, et que les peuples soient assemblés. Lequel d'entre eux a prédit cette chose-là, et qui sont ceux qui nous ont fait entendre les choses qui ont été ci-devant? Qu'ils produisent leurs témoins, et qu'ils se justifient, qu'on les entende, et qu'après cela on dise, il est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et mon serviteur aussi, que j'ai élu, afin que vous connaissiez, et que vous me croyiez, et que vous entendiez que c'est moi. Il n'y a point eu de Dieu fort avant moi, qui ait rien formé, et il n'y en aura point après moi. C'est moi qui suis l'Éternel, et il n'y a point de sauveur que moi. C'est moi qui ai prédit ce qui devait arriver, c'est moi qui vous ai délivré, et qui vous ai fait entendre l'avenir, et il n'y a point eu parmi vous de Dieu étranger qui ait fait ces choses, et vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, que je suis le Dieu fort. Et même j'étais dès qu'il y a eu de jour, et il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main, je ferai une chose, et qui est-ce qui m'en empêchera? Ainsi a dit l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël, j'enverrai pour l'amour de vous contre Babylone, et je les ferai tous descendre fugitifs, et le cri des Chaldéens sera dans les navires. C'est moi qui suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi a dit l'Éternel, qui a dressé un chemin dans la mer, et un sentier parmi les eaux impétueuses. Quant à celui qui amenait des chariots et des chevaux, et de grande force, ils ont tous été étendus ensemble, et ils ne se relèveront point, ils ont été étouffés, ils ont été éteints comme un lumignon. Ne faites point mention des choses de ci-devant, et ne considérez point les choses anciennes. Voici, je m'en vais faire une chose nouvelle qui paraîtra bientôt, ne la connaîtrez-vous pas? C'est que je mettrai un chemin au désert, et des fleuves au lieu désolé. Les bêtes des champs, les dragons et les chahuans me glorifieront, parce que j'aurai mis des eaux au désert, et des fleuves au lieu désolé, pour abreuver mon peuple, que j'ai élu. Je me suis formé ce peuple-ci, et j'ai dit, ils raconteront ma louange. Mais toi, Jacob, tu ne m'as point invoqué, quand tu t'es travaillé pour moi, ô Israël. Tu ne m'as point offert les menus bêtes de tes holocaustes, et tu ne m'as point glorifié dans tes sacrifices, je ne t'ai point asservi pour me faire des oblations, et je ne t'ai point fatigué pour me présenter de l'encens. Tu ne m'as point acheté à prix d'argent du roseau aromatique, et tu ne m'as point enivré de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as asservi par tes péchés, et tu m'as travaillé par tes iniquités. C'est moi qui efface tes forfaits pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Remets-moi en mémoire, et plaidons ensemble, toi, déduis tes raisons, afin que tu te justifies. Ton premier père a péché, et tes docteurs ont prévariqué contre moi. C'est pourquoi je traiterai comme souillés les principaux du lieu saint, et je mettrai Jacob en interdit, et Israël en opprobre.